koma kola se bato soki okomi na mobali oyo basi nyonso balingi ye soki okomi na tipo ya komingo elengi nalingi olansenga tyala nayeba na lokola bango naleli yo tyala tovanda na yo etyala etyala oyanga mama nasala nini ye nakoka te tyala Nalelika mwangana